Chapitre 12. Une indisposition de l'aînée Isabelle, qui avait pris froid en causant trop longtemps le soir sur la terrasse, vint fournir dès le lendemain à Magali un prétexte pour te tenir à l'écart des plaisirs d'Oker Park. Elle passait une grande partie de la journée près de son amie et, le reste du temps, travaillait avec Mademoiselle Amélie, faisait de longues stations dans la chapelle ou des promenades avec Freddy lorsque celui-ci n'était pas près de son noble protecteur qui semblait s'attacher à lui de plus en plus. Et quand Lady Isabelle fut tout à fait remise, Magali, pour résister à ses instances, lui annonça qu'elle avait entrepris de sérieux travaux de peinture dans le but d'arriver par là à gagner sa vie. « Il paraît que ce n'est pas trop présomptueux de ma part. Le père Noué, qui s'y connaît sur ce sujet, assure que je réussis fort bien. »« Mon frère est du même avis, Magali. Je me rappelle qu'il a beaucoup admiré vos délicieux programmes et les a qualifiés de petites merveilles artistiques. N'est-ce pas, Gérald ?» avait-elle ajouté en s'adressant à son frère qui entrait dans sa chambre. « Quoi donc, ma chère ? » avait-il demandé d'un ton négligent, en saluant d'une manière quelque peu distante, ainsi qu'elle en avait coutume maintenant à son entrée, pour bien maintenir ce rôle de subalterne qu'elle avait un peu oublié pendant quelque temps, en se voyant traitée en égale, ce qui lui avait coûté un réveil dont elle ressentirait longtemps l'amertume. « Que vous avez trouvé délicieux les programmes peints par Magali ?» Il avait répondu avec indifférence, tout en s'asseyant près de sa sœur. « Oui, ils étaient fort jolis. J'ai donné le mien à Lady Dothil qui n'en avait pas. J'aurais cependant aimé en conserver un en souvenir de ma chère Magali. Gérald, si vous étiez gentil, vous me donneriez le vôtre. » »« Je l'aurais fait très volontiers, Bella, mais je vous avoue que je ne l'ai pas conservé. » »« Oh, Gérald, auriez-vous jeté cette petite chose charmante, vous, un artiste ?» s'était écriée Lady Isabelle stupéfiée. Je l'ai brûlé dernièrement. Convenez, ma chère, que si j'avais dû conserver tous les programmes, artistiques ou non, des fêtes mondaines auxquelles j'ai assisté, il me faudrait une armoire spéciale, avait-il répliqué d'un ton léger. Lorsqu'il venait ainsi voir Isabelle, Magali se retirait presque aussitôt, sans affectation, ayant toujours de bons prétextes à présenter aux instances de la jeune fille pour la retenir, instances auxquelles jamais plus lui ne s'unissait. Lorsqu'au contraire, elle entrait chez Isabelle quand il s'y trouvait, c'était à son tour de s'éloigner au bout de peu de temps, après un échange de paroles indifférentes, nuancé chez lui de la hauteur qu'il avait abandonnée quelque temps à l'égard de Magali. « Comme vous êtes grave et silencieuse maintenant, Magali chérie, dit un jour Lady Isabelle à son amie. Et vous avez pâli, vous semblez fatiguée. Vous étiez si gaie, si délicieuse le jour de votre royauté. N'est-ce pas qu'il était impossible de rêver une plus charmante reine de mai, Gérald ?» Le duc, en ce moment, occupé à feuilleter une revue française, eut un si brusque mouvement qu'un vase de cristal posé sur la table tomba à terre, se brisant en mille pièces. « Oh, mon joli vase ! C'était Magali qui me l'avait donné pour ma fête !» s'écria Isabelle, consternée. « Je vous demande pardon, ma chère Bella. Je suis en effet un inexcusable maladroit, » répondit-il tranquillement. Et il engagea la conversation sur un sujet mondain qui mettait Magali hors de l'entretien. Les personnages dont parlaient le frère et la sœur lui étaient totalement inconnus. Lady Isabelle, une fois retournée au milieu des hôtes d'Oker Park, Magali se confina presque entièrement dans sa solitude. Parfois, on la demandait pour chanter ou pour renforcer un camp de tennis, à peu près assuré de la défaite par la présence du duc de Saldiv dans la partie adverse. Mais ce dernier fait se produisait rarement, Lord Gérald ayant pris le tennis en aversion. D'ailleurs, la musique, le chant surtout, semblait aussi avoir beaucoup baissé dans sa faveur, et lorsque commençaient les séances musicales, il s'en allait généralement rejoindre sur la terrasse ou au fumoir le marquis de Selberg et quelques autres de ses hôtes, ennemis irréductibles de l'art cher à Orphée. « Il n'est vraiment pas permis à un homme d'être capricieux à ce point !» disait Mizetti, secrètement irrité de faire des frais en pure perte. À lui, tout est permis, répondait Lord Orwilly, très amusé de la colère contenue de l'Américaine. D'ailleurs, tout le monde ne juge pas comme vous, Miss Ludler. Lady Ophelia, par exemple, trouve très naturel que son cousin change de goût. Oui, parce qu'elle est très médiocre musicienne et n'aime pas le tennis, répliquait Miss Etty d'un ton mordant. Mais je crois qu'elle aura malgré tout fort à faire pour arriver à ses fins près de son fantasque cousin. Et pour ma part, je crois bien que je vais y renoncer, acheva-t-elle entre ses dents. Les grandes chasses à cour d'Oker Park, célèbres dans toute l'Angleterre, avaient amené un contingent de nouveaux hôtes. Les fêtes se succédaient, à la fois fastueuses comme l'exigeaient le rang et la fortune du duc de Saldif, et marquées au coin du goût très parisien que Lord Gerald et sa mère avaient acquis dans leurs fréquents séjours en France. Du salon où elle travaillait près de Mademoiselle Amélie, tandis que le père Noué leur faisait une lecture, Magali entendait l'écho de ses plaisirs variés, trompe de piqueurs, aboiement des chiens, galop des chevaux, éclats de rire de cette brillante jeunesse, et, le soir, son de l'orchestre qui entraînait les couples à travers les salons illuminés. « Je suis contente d'être ici, bien tranquille », disait-elle alors parfois, en penchant sa tête sur l'épaule de Mademoiselle Amélie. Et elle parlait sincèrement. Dans cette atmosphère de travail et d'affection, au milieu de cette existence sérieuse, elle retrouvait le calme un instant troublé, elle sentait s'apaiser l'émoi qu'avaient éveillé en son cœur les paroles de Lady Ophelia, malgré la souffrance à peine consciente qui demeurait tout au fond d'elle-même. Un matin, elle s'engagea dans le parc pour cueillir des bruyères blanches afin d'en orner l'autel de la Vierge. Elle avait sollicité ce soin qui plaisait à son âme tendrement pieuse, et c'était elle qui, chaque jour, disposait dans la chapelle soit les fleurs superbes des jardins d'Oker Park, soit les fleurs des bois dont elle rapportait des gerbes qui entouraient admirablement la blanche statue de marbre de la Reine des Cieux. Souvent, Freddy l'accompagnait. Mais ce matin-là, il suivait la chasse qui était partie tout à l'heure. Il avait absolument tenu à se rendre à l'invitation de Lord Gerald, bien qu'il sentît un peu de malaise. Mais il ne savait rien refuser à celui qu'il aimait de toute l'ardeur d'un cœur très tendre, qu'il admirait à un degré presque exagéré, songeait parfois Magali avec une sorte d'irritation. Elle fit rapidement sa récolte et, un peu inquiète, elle ne s'attarda pas dans les sentiers ensoleillés du parc. Elle prit la route la plus directe, dans l'espoir que Freddy serait peut-être revenu avant les autres, comme il lui était arrivé parfois. Une silhouette se dessina tout à coup au bout de l'avenue que suivait la jeune fille. Bientôt, Magali reconnut Roswell, qui arrivait à pas pressés. « Encore cet homme !» songea-t-elle avec ennui. Freddy et elle le trouvaient maintenant souvent sous leurs pas. Ils causaient littérature et musique avec Magali, peinture avec Freddy, œuvre charitable avec Mademoiselle Amélie. Il avait fait la connaissance du père Noué et, sans paraître remarquer la froide réserve du religieux, il entretenait des deux jeunes gens de l'espoir qu'il fallait conserver encore de retrouver leur famille maternelle, de l'intérêt très vif qu'il éprouvait à leur égard. « Il ne me plaît guère, ce personnage, » disait le père Noué. « À nous non plus, » répondaient spontanément Freddy et sa sœur. En le voyant approcher, Magali constata que le secrétaire était rouge, comme un homme qui a beaucoup couru. « On vous cherche partout dans le parc, Miss Magali, » dit-il d'une voix essoufflée, « mais j'ai eu l'heureuse idée de venir par ici. »« On me cherche, pourquoi ?» s'écria-t-elle, inquiète. « Il est arrivé un petit accident à Monsieur Freddy. »« À Freddy ?»« Rien de grave, je l'espère. Il est tombé de cheval, il a une blessure à la tête. » Déjà, Magali courait vers le château, Roswell la suivait à grandes enjambées, en continuant à parler. « C'est un peu la faute du duc de Saldif. Oui, on ne peut le nier. » Il avait fait monter Freddy sur un de ses chevaux, une de ces bêtes fougueuses qu'il s'est si bien maté. Il s'est présenté un obstacle. Sa grâce a voulu le faire franchir à votre frère. Celui-ci ne paraissait pas très disposé à cela, mais enfin, il a essayé. Seulement, la bête se cabrait et refusait de s'enlever. « Allons, allons donc, Freddy, un peu de poigne. Êtes-vous une femmelette ? s'écria le duc, qui était ce matin très énervé, très impatient, comme presque toujours d'ailleurs depuis quelque temps. « J'en sais quelque chose. Freddy enlève son cheval, l'animal s'élance. Mais, sentant probablement une main trop faible, il se cabre devant l'obstacle et le cavalier roule à terre. « Seigneur !» murmura Magali, frissonnante. Heureusement, le sol était doux à cet endroit. Ah, c'est une triste chose d'être soumise aux caprices d'un maître tel que celui-là, murmura Roswell comme se parlant à lui-même. Généreux un jour jusqu'à l'excès, le lendemain, autoritaire jusqu'à la dureté. Ce pauvre Freddy avait bien envie de refuser, mais il n'osait, cela se voyait. Il sait ce qu'il en coûte d'être dépendant, le pauvre enfant, dit-il avec oppression. Le duc de Staldif en fait son favori jusqu'au jour où il en aura assez. Pauvre charmant Freddy, qui paraît tant l'aimer, cependant. Dans le cerveau de Magali montait une sourde colère. C'était donc lui qui était cause de l'accident, lui dont elle croyait si bien à l'affection pour son frère. Le secrétaire avait raison, il n'y avait là qu'une question de caprice. Autrefois, le jeune duc était connu pour une nature fantasque et cette tendance avait subsisté sous son apparence sérieuse. De même qu'il délaissait maintenant la musique passionnément aimée, de même, une fantaisie l'ayant porté vers l'aimable Freddy, une autre pouvait lui faire repousser le jeune homme, qui avait été pour lui une distraction, rien de plus. « Oh non, non, mon Freddy n'est pas fait pour cela » murmura-t-elle, les traits crispés. Roswell lui jeta un singulier coup d'œil, tandis qu'un sourire de satisfaction entr'ouvrait ses lèvres. Enfin, le château était atteint. Magali gravit à la hâte l'escalier et entra dans la chambre de Freddy. Le blessé était étendu sur son lit, la tête entourée de bandages, les yeux clos. Près de lui, le père Noué, le duc et Mademoiselle Amélie causaient à voix basse. Ils se retournèrent simultanément en entendant entrer Magali. Lord Gérald, très pâle, se recula pour la laisser approcher du lit. Elle se pencha, enveloppa d'un regard effrayé le visage immobile, tout blanc. « Mais est-ce qu'il vit ? » s'écria-t-elle en se redressant. « Mais oui, c'est seulement une syncope. Ne vous tourmentez pas, Miss Magali, » dit la voix altérée de Lord Gérald. Les yeux sombres de Magali, étincelants d'une sorte de fièvre, l'enveloppèrent une seconde. « N'était-ce pas assez de ce que vous m'aviez fait autrefois ? » dit-elle d'un ton âpre, où passait un souffle d'irrésistible colère. « Faut-il que vous preniez maintenant mon frère pour victime de vos caprices ? Mais je ne le souffrirai pas. Je n'ai que lui, mon Freddy !» Le duc, presque livide, recula de quelques pas. « Magali ! » s'écria Mademoiselle Noué d'un accent de reproche. Mais le jeune homme l'interrompit du geste. « Laissez, Mademoiselle Amélie, » dit-il froidement. « J'ai mérité d'entendre ce reproche pour ce qui s'est passé autrefois, mais j'espérais avoir prouvé à Miss Dolté que mon intérêt pour son frère était réellement de l'affection et non un caprice. Aujourd'hui, il y a eu de ma part une imprudence que je déplore de toute mon âme, que je voudrais effacer à n'importe quel prix. » Mais il aurait été charitable, Miss Magali, de ne pas réveiller le souvenir d'un acte qui sera toujours un des plus grands remords de ma vie. Il s'inclina et s'éloigna rapidement. Magali, c'est lui qui a empêché Freddy d'avoir pire encore en se précipitant à la tête du cheval au risque d'être entraîné lui-même, murmura Mademoiselle Amélie. Magali, sans paraître l'entendre, se laissa glisser à genoux près du lit. « Un médecin, y a-t-on pensé ? » balbutia-t-elle. Lord Gérald a immédiatement envoyé un piqueur à cheval. Le docteur sera bientôt ici. Mais le duc et mon frère ont fait un pansement provisoire, et vraiment, ma petite Magali, je crois que cette blessure sera peu de chose. N'est-ce pas, Jacques ? » ?»« Oui, à mon avis, il n'y a rien de grave. Il a seulement perdu beaucoup de sang. Tenez, le voilà qui revient à lui. » De fait, Freddy ouvrait les yeux. Au bout d'un moment, il sourit à sa sœur, puis ses lèvres s'ouvrirent. « Lord Gérald, il a retenu le cheval. L'as-tu remercié, Magali ?» Le visage de Magali eut une crispation. « Non, mais je le ferai, sois tranquille, mon Freddy » murmura-t-elle d'une voix tremblante. Le docteur confirma les pronostics du père Noué. La blessure à la tête ne présentait aucun caractère de gravité et guérirait rapidement. Mais la secousse avait occasionné une fièvre nerveuse assez forte qui exigeait un repos absolu. Magali s'installa au chevet de son frère, elle l'entoura de soins délicats, d'attention de tous les instants. Cette occupation forcée ne parvenait pas cependant à éloigner de son esprit la pensée des paroles injustes adressées par elle au duc de Saldif, dans une sorte de sursaut de colère, inspiré par le récit de William Roswell et aussi par un inexpliqué sentiment de rancune, d'irritation, d'amertume qu'il avait saisi vis-à-vis de Lord Gérald. Maintenant, c'était un regret poignant qui la serrait au cœur en apprenant que le duc, s'il avait eu le tort de laisser monter un de ses chevaux à Freddy, sur la demande de celui-ci d'ailleurs, et de l'inciter à franchir l'obstacle avec une impatience qui avait décidé le jeune homme hésitant, s'était ensuite montré absolument désolé de son imprudence et avait mis tout en œuvre pour la réparer. Lui-même, avec l'aide de Lord Dorwilly, avait transporté le blessé, l'avait entouré de soins délicats. « Il en tremblait, pauvre Gérald !» avait dit Lady Isabelle. Maintenant, il envoyait matin et soir prendre des nouvelles de Freddy, il lui faisait porter des livres, des publications d'art, tout ce qui pouvait intéresser et distraire le malade. Chaque jour, d'après ses ordres, le chef français s'informait près de Mademoiselle Amélie des mets qui pouvaient plaire au jeune homme, dont l'appétit était en ce moment fort capricieux. Mais lui ne venait pas voir Freddy, et celui-ci, tout surpris, s'en attristait un peu. « C'est bien étonnant, Magali. La duchesse, Lady Isabelle, les comtes de Volberg, Lord Doutil, Lord Dorwilly, tous sont venus me voir, et lui seul s'en abstient. Lui que j'aime tant. Et il m'aime bien aussi, je le sais. A-t-il donc quelque chose contre moi ?» Magali répondait vaguement en alléguant les occupations du duc. Mais elle se disait avec amertume qu'il était sans doute profondément blessé et ne lui pardonnait pas l'apostrophe qu'elle lui avait adressée. Ces paroles étaient pour elle un remords et elles allaient l'obliger à un acte qui lui coûtait extrêmement. Il fallait qu'elle remerciât Lord Gérald de ses attentions pour Freddy et, en même temps, qu'elle s'excusât de cette accusation lancée par elle dans un moment d'angoisse. Oui, il le fallait. La première fois qu'elle le rencontrerait, elle saisirait cette occasion, bien qu'il lui en coûtât tant, oh, combien il lui en coûtait! Décidément, l'orgueil était encore bien vivace en elle. Mais elle avait eu tort, il fallait réparer. Ce fut un matin, en sortant de la messe, qu'elle aperçut le duc arrêté dans la galerie précédant la chapelle. Des ouvriers restauraient une boiserie et, à quelque distance, Lord Gérald examinait un tableau qui avait été décroché. Il salua froidement Magali, s'informa de la santé de Freddy, puis fit le mouvement de se détourner pour continuer son examen. « Votre grâce veut-elle me permettre de lui dire ?» murmura Magali, devenue très rouge. « Qu'avez-vous à me dire, Miss Olté ? » demanda-t-il d'un ton glacial. La pauvre Magali baissa les yeux, intimidée comme elle ne l'avait jamais été. « Je voudrais remercier votre grâce de tout ce qu'elle fait pour Freddy et aussi lui faire savoir que je regrette tant de lui avoir dit l'autre jour. » Elle s'interrompit, toute confuse à se souvenir. Le duc détourna les yeux en disant d'un ton quelque peu hautain « Ne parlons pas de cela, je vous prie. Vous m'avez jugé à votre guise. » Vous êtes libre, d'autant que je vous en avais donné le droit par ma conduite passée. À mon tour de dire, ne parlons pas de cela, milord, s'écria-t-elle vivement. Tout a été oublié de ma part. Mais non de la mienne, et permettez-moi de vous dire que vous en avez vous-même gardé un certain souvenir, et même une rancune. Elle rougit encore à cette intonation légèrement mordante. J'ai cédé à un mouvement de colère que j'ai déploré aussitôt, murmura-t-elle en baissant la tête. J'étais si inquiète pour Freddy, et puis on m'avait présenté les choses sous un jour particulier. Qui cela ont ? Et comme Magali, très embarrassée, ne répondait pas, il reprit impérativement « Dites-moi, qui vous a fait le premier le récit de l'accident, Miss Magali ?»« C'est impossible, Milord, je ne puis ainsi faire tort. »« C'est bon, je le saurai toujours, mais je vous en prie, ne vous tourmentez pas de tout cela. » Quelque chose se détendait sur sa physionomie, une émotion contenue remplissait le regard qu'il attachait sur le visage de Magali, altéré par l'inquiétude et la fatigue qu'occasionnait à la jeune fille l'accident de Freddy. « Je suis encore le plus coupable, voyez-vous, et c'est moi qui vous dois des excuses, » reprit-il d'un ton adouci. « On me vante comme un homme sérieux et généralement prudent, mais je dois constater qu'il me reste encore fort à faire. Ce sera une leçon, mais j'aurais préféré mille fois qu'elle me fût donnée autrement. » Sa main, d'un geste machinal, se posa sur un petit buste de marbre représentant le roi Charles Ier, dont le souvenir était demeuré cher dans la famille des ducs de Staldif. Si les hommes savaient profiter de leurs fautes et de leurs erreurs, ils seraient bientôt parfaits, je suppose, dit-il pensivement. Ainsi, je dois d'avoir en partie dompté ma violence naturelle à ce que vous savez, fit-il en désignant du geste le poignet de la jeune fille. J'ai compris, ce jour-là, mieux que ne l'auraient obtenu tous les sermons, à quels excès pouvait me conduire une pareille tendance. Et moi, c'est à dater de ce jour que j'ai sérieusement résolu de devenir douce, précisément pour cette même raison. Votre grâce voit donc qu'il n'y a pas lieu de regretter ce petit incident qui a produit de si bons résultats, ajouta-t-elle en souriant. Les doigts du duc s'appuyèrent fortement sur le crâne de Charles Ier, comme s'ils eussent souhaité le défoncer. « Pour moi, dit-il sourdement, il demeurera toujours le remords d'avoir frappé une femme. »« Milord, je n'avais que 11 ans. »« Vous en auriez eu 16 que j'aurais agi de même. Dans mes accès de colère, je ne me possédais plus et vous m'étiez, je ne sais pourquoi, très antipathique à cette époque. » Il se mordit légèrement les lèvres et détourna les yeux en paraissant saisi d'un très vif intérêt pour le beau visage du roi Charles. Magali, sans s'en apercevoir, dit machinalement, comme se parlant à elle-même, « Oui, il y avait un véritable antagonisme entre nos deux natures. C'est sans doute parce que j'étais, moi aussi, très orgueilleuse. » Elle s'interrompit avec un peu de confusion, mais il se mit à rire, sans l'ombre de contrariété. « Voilà que vous faites à la fois votre accusation et la mienne, Miss Magali. » « Oui, vous étiez orgueilleuse, et moi encore plus. Et tandis que vous deveniez humble et patiente, je suis restée telle qu'autrefois. Mais c'est là un défaut héréditaire dans ma famille, une qualité, disent certains. En tout cas, je la possède amplement, » ajouta-t-il d'un ton de raillerie hautaine. Quelques secondes, il demeura silencieux, puis il reprit. « Vous direz à Freddy, je vous prie, que je pense très souvent à lui, que je souhaite ardemment son prompt rétablissement, afin de reprendre ensemble nos promenades et nos bonnes causeries. Lui aussi, pauvre Fred, est si privé de ne pas voir celui qu'il aime tant. Il m'a dit hier qu'il comptait les jours. » Elle levait vers lui un regard timide qui exprimait, sans qu'elle en eût conscience, une muette prière. Lord Gérald se mit à rire gaiement. « Je suis sûre, Miss Magali, que vous avez bien envie de me demander de l'aller voir. Soyez assurée que je l'aurais déjà fait 10 fois plus d'aucune, sans ce que vous m'aviez dit. »« Je l'ai bien compris, Milord, mais si votre grâce m'a pardonné mes sottes paroles... »« Oh, il n'y a pas de si, Miss Magali, tout est oublié. Et pour vous le prouver, j'irai voir Freddy, voyons, cet après-midi après le lunch. » Il s'inclina, indiquant ainsi que l'entretien était terminé. Magali s'éloigna, soulagée d'avoir réglé cette question d'excuses qui lui pesait si fort, contente de la joie qu'allait apporter à Freddy la visite de son noble ami, un peu perplexe en songeant aux contradictions de cette nature. Tour à tour charmeuse et altière, généreuse et vindicative, car en vérité, n'était-ce pas à un retour de la rancune d'autrefois qu'elle devait d'attribuer le changement d'attitude de Lord Gérald depuis la fête imaginée par Lady Ophelia? La générosité, une certaine compassion chevaleresque peut-être, l'avait porté à faire céder envers la modeste demoiselle de compagnie sa morgue naturelle, mais il avait jugé enfin que ses hôtes et lui-même allaient trop loin. Il avait peut-être craint qu'elle ne s'avisât d'ambition démesurée. Il s'était, sans doute, rappelé aussi le mot humiliant lancé autrefois par l'enfant indigné, et, tout cela aidant, il s'était de nouveau redressé pour faire comprendre à Magali Dolté qu'elle n'avait jamais cessé d'être une subalterne. « Il a raison, cela vaut mieux, » pensa Magali en refoulant une sorte de vague amertume qui cherchait à la gagner. « Chacun a sa place en ce monde, voilà la sagesse. Je l'ai oublié quelque temps et je sais ce qu'il m'en a coûté. » Freddy était maintenant au comble de ses vœux. Son cher Lord Gérald venait le voir presque chaque jour. Ils avaient ensemble de longs entretiens qui ravissaient le jeune blessé. Le duc se trouvait tout à fait libre pour visiter son ami, car il ne rencontrait jamais Magali. Celle-ci avait fixé à cette heure sa promenade quotidienne, ou, si le temps était trop mauvais, sa visite à la chapelle, où elle prenait une provision de force et la tranquille résignation. Une après-midi, en entrant dans la pièce qui précédait la chambre de son frère, elle aperçut, par la porte ouverte, le duc assis près de la chaise longue de Freddy. Celui-ci laissait un peu retomber sa tête sur l'épaule de son ami, ses cheveux bruns ressortaient, plus sombres près de la chevelure plus jeune, levant ses grands yeux bleus qui exprimaient un tendre intérêt vers le visage souriant de l'autre. Et la voix de Lord Gérald, en parlant à son cher protégé, avait des inflexions chaudes et caressantes, bien rares chez lui. « C'est extraordinaire, cette sympathie entre eux !» pensait Magali, tout en se retirant doucement. « On disait bien qu'il était un charmeur quand il voulait s'en donner la peine. Voilà mon petit Fred bien pris, je crois. Mais réellement, je pense que cette affection est sérieuse de la part du duc, et je ne puis que m'en réjouir pour mon frère. Aimant et sensitif comme il l'est, un peu trop rêveur, il a besoin de protection dans la vie, mon cher Freddy, et ce n'est pas moi, si jeune, qui aurais pu la lui donner. » En traversant ce même jour le hall, elle rencontra Lord Lowthead. Elle savait, par Lord Orwilly, que le vieillard avait plusieurs fois demandé des nouvelles de Freddy, et elle profita de cette occasion pour l'en remercier. « J'ai été enchantée d'apprendre qu'il était en bonne voie de guérison. Ce jeune homme est très sympathique à tous, » dit-il avec sa froideur habituelle. Il salua la jeune fille et s'éloigna au moment où William Roswell, revenant du parc, apparaissait au seuil du hall. L'impassible visage du secrétaire eut une contraction fugitive. Il murmura entre ses dents « Va-t-il se mettre à la traverse de mes projets, celui-là ? J'ai bien vu comme il regardait Freddy. C'est qu'il est son portrait à elle. Décidément, il sera temps d'aviser. » Magali eut un involontaire mouvement de recul en voyant le secrétaire s'avancer vers elle. Il s'inclina profondément, s'informa avec sollicitude de la santé de Freddy. Magali lui répondit d'un ton bref qu'il remarqua aussitôt, de même que la physionomie glacée de la jeune fille. Une lueur de contrariété traversa son regard, mais il dit avec calme, d'un ton légèrement doucereux, « Je suis vraiment très heureux de voir que tout se termine ainsi et qu'il ne restera à ce cher enfant aucune trace de cet accident. »« Non, grâce au duc de Saldif, vous aviez oublié dans votre récit de me dire qu'il avait retenu l'animal presque au risque de sa vie, empêchant ainsi mon frère d'être projeté très loin, » répliqua-t-elle sèchement. Le visage du secrétaire blêmit un peu. « J'étais tellement ému de cet accident et de votre angoisse que je n'ai peut-être pas narré tous les détails. Le duc a, en effet, fort bien réparé ses torts. Je vous l'ai dit, Miss Dolté, il a de superbes qualités, oui, des qualités chevaleresques, mais elles sont étouffées souvent. » Il s'interrompit avec un profond salut. Lady Isabelle apparaissait dans le hall, toute fraîche, toute vêtue de rose, animée et souriante à son ordinaire. Magali s'avança vers elle et le secrétaire s'éloigna. « Bonjour, chère Magali, » dit Isabelle en serrant la main de son amie. « Vous étiez en conversation avec ce désagréable personnage ?»« Il me demandait des nouvelles de Freddy. »« Désagréable ? Oh oui !» son regard me produit une impression que je ne puis définir. Il paraît qu'il a été dans les Indes l'adepte d'un vieux brahmane qui lui a enseigné le magnétisme, les sciences occultes, l'art des poisons. Tout cela donne le frisson et vraiment, je ne comprenais pas Gérald de garder ce personnage effrayant. Mais il m'a dit hier qu'il lui chercherait un remplaçant. Tant mieux. Elles s'éloignèrent tout en causant à travers les jardins merveilleusement décorés de fleurs d'automne. En contournant une serre, elles se heurtèrent à Miss Etty qui se promenait lentement, les sourcils un peu froncés, comme une personne plongée dans de profondes réflexions. « Ah, on vous revoit enfin, belle recluse » dit-elle en tendant la main à Magali. « Allez-vous enfin reprendre place dans notre cercle ? Ce pauvre Lord Othil devient d'un mélancolique. » Et hier, le comte Ferdinand de Wolberg me confiait, après avoir entendu chanter Madame Delano, « Quelle différence avec la voix de Miss Dolté. Pour moi, il n'y a que celle-là, elle fait frémir, elle fait penser. » Magali eut un léger mouvement d'épaule. « Je souhaiterais que ma voix pût avoir cet heureux résultat, » dit-elle avec quelque ironie. « Mais je n'ai pas grande confiance là-dessus, je l'avoue. »« Eh, qui sait ?» répliqua l'Américaine avec un petit rire moqueur. « On a vu des choses plus extraordinaires, Miss Magali. »